ceux qui ne lui ont rien associé. Et ce procédé, il est utilisé dans de nombreux hadiths. Et la question qu'on peut se poser ici, ikhwani fillah, c'est à quoi sert ce procédé? Car on remarque qu'il est utilisé dans de nombreux hadiths. Donc il est bon de savoir à quoi il sert et quel est son but. Et la réponse à cela, c'est que ce procédé est plus propice à l'enseignement et à la mémorisation. Et ça, c'est une chose qui est connue. C'est pour cela que certains, parmi les mashayikhs, ils posent souvent des questions à leurs élèves. Au Yémen, par exemple, en plein cours, le cheikh, il peut te poser une question. Et crois-moi que s'il te pose une question et que tu ne connais pas la réponse, tu vas forcément t'en rappeler. Car ça va attirer ton attention, ça va te marquer. Et donc, ce procédé est plus propice à l'enseignement et à la mémorisation. L'auteur, il dit, et si on te demande, qui est ton Seigneur? Réponds alors, mon Seigneur est Allah, qui m'a éduqué ainsi que tout l'univers par ses bienfaits. Il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui. L'éminent savant, Cheikh Saleh Al-Fawzan, qu'Allah le préserve, il dit à propos de cette phrase, l'auteur a attiré l'attention sur le fait que reconnaître la seigneurie n'est pas suffisant. Il ne suffit pas de dire « Mon Seigneur est Allah, celui qui m'a éduqué », mais il est obligatoire de reconnaître l'adoration et de vouer un culte exclusif à Allah. Et ceci est la différence entre le monothéiste et le polythéiste. Fin de citation. Donc ici, l'auteur, il attire notre attention sur le fait que la seigneurie ne suffit pas, mais qu'il faut absolument rajouter l'adoration. Et lorsque l'auteur, il dit, il est celui que j'adore, je n'adore personne en dehors de lui, ceci car Allah subhanahu wa ta'ala est le seul à créer, et il est le seul à donner la vie, et à donner la mort, et à faire descendre la pluie. Donc si tel est le cas, il doit être adoré seul, sans associé. Ensuite, par la suite, l'auteur, il dit, وَكُلُّ مَنْ سِوَى اللَّهِ عَالَمٌ وَأَنَا وَاحِدٌ مِنْ ذَلِكَ الْعَالَمِ فَإِذَا قِيلَ لَكْ بِمَا عَرَفْتَ رَبَّكَ فَقُلْ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ وَمِنْ مَخْلُوقَاتِهِ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرَاضُونَ السَّبْعُ وَمَنْ فِيهِنَّ وَمَا بَيْنَهُمَا وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَى وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون وقوله تعالى إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ensuite il dit والرب هو المعبود والدليل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. Donc ensuite l'auteur il dit, l'univers c'est toute chose autre qu'Allah et je suis un élément de cet univers. Si on te demande ensuite comment as-tu connu ton Seigneur, réponds, par ses signes et ses créatures. Parmi ces signes il y a la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Et parmi ces signes, parmi ces signes, il y a la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Et parmi ces créatures, il y a les sept cieux et les sept terres, ce qu'il y contient et ce qu'il y a entre eux. La preuve se trouve dans la parole d'Allah selon le sens. Parmi ces merveilles sont la nuit et le jour, le soleil et la nuit. Ne vous prosternez ni devant le soleil, ni devant la lune, mais prosternez-vous devant Allah qui les a créés si c'est lui que vous adorez. Ensuite, l'auteur, il a mentionné deux autres versets. Donc ici, l'auteur, il a mentionné plusieurs versets. Et dans certains d'entre eux, il y a un procédé très important qui est souvent utilisé dans le Coran. Et ce procédé, c'est mentionner la seigneurie comme preuve et argument pour l'adoration. Et ici, il convient de détailler ce procédé. Donc, comme vous le savez, les polythéistes, en règle générale, reconnaissaient la seigneurie. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit par exemple dans surat Az-Zumar, وَلَا إِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si tu leur demandes qui a créé les cieux et la terre, ils répondront, c'est Allah. Et les versets montrant que les polythéistes reconnaissaient la seigneurie sont nombreux dans le Coran. Malgré cette reconnaissance de la seigneurie, ils rejetaient l'adoration. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans surat Sad, verset 5, أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. Cherche-t-il à réduire les divinités à une seule? Voilà qui est bien étrange. Donc, d'un côté, les polythéistes reconnaissent la seigneurie. Et d'un autre, les polythéistes rejette l'adoration. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il a mentionné l'unicité dans la seigneurie comme preuve et argument concernant l'unicité dans l'adoration. Pourquoi? Car les polythéistes reconnaissaient la seigneurie. Donc s'ils reconnaissent qu'Allah subhanahu wa ta'ala donne la vie, qu'il donne la mort, qu'il crée, qu'il fait descendre la pluie, ils doivent dans ce cas-là vouer un culte exclusif pour celui qui a fait toutes ces choses et qui est capable de faire toutes ces choses. C'est pour ça que dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, il prend comme argument et preuve l'unicité dans la seigneurie, car les polythéistes reconnaissent cette unicité. Mais par contre, ils rejettent l'adoration. Et ce procédé-là, ikhwani fillah, c'est un procédé qui est bon d'utiliser lorsqu'on appelle quelqu'un à l'islam. Car imaginons que tu veux appeler quelqu'un à l'islam. Alors dis-lui, qui a créé les cieux et la terre? Il te dira, c'est Allah. Bon, pour la plupart, certains ils ne vont pas reconnaître, mais pour la plupart d'entre eux, ils vont te dire c'est Allah. Qui est-ce qui donne la vie? Qui donne la mort? Il te dira Allah. Alors dis-lui que si c'est Allah qui a créé tout ça et qui est le seul à être capable de faire tout ça, on ne peut pas adorer une personne qui n'est pas capable de créer et qui est lui-même créé. Et on doit adorer Allah subhanahu wa ta'ala seul, car c'est lui qui est capable de faire ces choses seul, et c'est lui qui fait ces choses seul. Donc ce procédé, c'est prendre l'unicité de la seigneurie comme preuve et argument de l'unicité concernant l'unicité dans l'adoration. Ensuite, l'auteur, il dit, قال ابن كثير رحمه الله تعالى الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والإنابة والاستعانة والاستعاذة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. Donc l'auteur il dit, Ibn Kathir, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit, celui qui a créé ces choses est le seul digne d'adoration. Quant aux différentes formes d'adoration comme l'islam, l'iman, l'ihsan, ainsi que l'invocation, la peur, l'espoir, la confiance, le désir, l'effroi, l'humilité, la crainte, le retour vers Allah, la demande d'aide, de protection, de secours, le sacrifice, le serment, et autres formes d'adoration qu'Allah a ordonné d'accomplir, sont toutes pour Allah. La preuve réside dans la parole d'Allah. Selon la traduction, les mosquées sont consacrées à Allah. N'invoquez donc personne avec lui. Quiconque donc voue une de ces adorations à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Donc après cela, l'auteur, il a mentionné certaines adorations. Puis il a dit, quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Il convient, ikhwani fillah, d'expliquer la parole de l'auteur. Car malheureusement, cette parole a été mal comprise. Certaines personnes qui ont lu cette parole l'ont mal comprise et ont attribué certaines choses à cet imam, Cheikh al-Islam Muhammad ibn Abd al-Wahhab. Donc l'auteur ici, il te dit, quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Et ceci est une règle générale. C'est-à-dire, quiconque va adorer autre qu'Allah, va vouer une adoration pour autre qu'Allah, cette personne-là sort de l'islam. Ceci est une règle générale. Mais par contre, quand une personne en particulier viendrait à vouer une adoration pour autre qu'Allah, Zayd, Bakr, Muhammad ou Khalid, par exemple, alors ici, si son action est de la mécréance, nous allons dire que son action est de la mécréance. Ou bien si son action est du polythéisme, nous allons dire que son action est du polythéisme, sans pour autant le sortir de l'islam. Car pour sortir une personne, précisément une personne en particulier de l'islam, ceci est régi à des règles. C'est pour cela que les savants de la sunna, ils disent qu'il y a une différence entre al-qa'il, al-qawl, ou al-qa'il, et al-fi'l et al-fa'il. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre la parole et celui qui dit cette parole, et l'action et l'auteur. C'est-à-dire que cette parole-là, si c'est de la mécréance, nous allons dire cette parole-là est de la mécréance. Si cette parole-là est du polythéisme, alors nous allons dire que cette parole-là est du polythéisme. Si, par exemple, son action, c'est de la mécréance, nous allons dire alors cette action est de la mécréance. Mais si, par exemple, une personne en particulier viendra à faire cela, nous ne pouvons pas la sortir de l'islam directement. Car le fait de sortir une personne de l'islam est régi à certaines règles et ce n'est pas tout le monde qui peut sortir une personne de l'islam. Et donc le fait de dire que Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab fait partie de la secte des Khawarij, ceci est certes, ikhwani fillah, une injustice manifeste. Car ici, Cheikh al-Islam Mohammed ibn Abdul Wahhab, il t'a mentionné la règle générale. Et la règle générale dit que quiconque voue une adoration pour autre qu'Allah sort de l'islam, il est considéré comme un kafir, il est considéré comme un mécréant. Par contre, si Zayd minannas, il viendrait à faire, par exemple, invoquer autre qu'Allah, d'accord, on ne va pas sortir Zayd de l'islam, car il se peut que Zayd soit ignorant. Il se peut, par exemple, que Zayd ait agi sous l'effet de la contrainte ou autre. Mais par contre, on va dire que son action est de la mécréance ou du polythéisme. Et ça, c'est la règle générale chez les pieux prédécesseurs. On peut donner, par exemple, une preuve qui nous montre que les pieux prédécesseurs, ils ont compris les textes comme cela. Prenez, par exemple, l'histoire de l'imam Ahmed. À l'époque de l'imam Ahmed, il y a eu certains troubles. Parmi ces troubles-là, certaines personnes ont dit à son époque que le Coran écrit jusqu'à ce que certains innovateurs parmi les Mu'tazila, la secte des Mu'tazila, se sont rapprochés de certains gouverneurs. Et ces gouverneurs-là ont cru en cela que le Coran était créé. Et ces gouverneurs-là ont mis à l'épreuve les gens de la Sunna. Et l'imam Ahmed a tenu bon. Et malgré que les pieux prédécesseurs disent « Man za'ama anna al-Qur'an makhlouqun faqad kafar » Celui qui prétend que le Coran a été créé, il est mécréant. L'imam Ahmed n'a pas rendu mécréant ses gouverneurs. N'a pas rendu mécréant ses gouverneurs. Pourquoi ? Car ces gouverneurs-là ont cru à ces choses-là car ils avaient une bonne opinion de ces Mu'tazila, de ces gens de science parmi les Mu'tazila. Et donc c'est pour ça qu'ils ont accepté cette aqida, cette parole-là. Et il ne les a pas rendus mécréants. Et ceci te montre, ikhwani fillah, la tariqa des gens de la sunna dans cela. Les gens de la sunna ne font pas partie de la secte des khawarij, la wallah. Ils ne font pas partie de ces gens-là. Ils se désavouent des khawarij et de leur méthodologie. Et ils mettent en garde contre ces gens-là. Et ils suivent dans cela le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Comme il a mentionné dans de nombreux hadiths, « Hum kilabun nar » ce sont les chiens de l'enfer. Et d'autres choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné concernant ces gens-là. Mais ici, l'auteur, il t'a mentionné la règle générale. La règle générale, et c'est comme cela que les pieux prédécesseurs, ils ont compris les textes. Une personne qui viendrait à commettre un acte de mécréance, nous ne pouvons pas dire que cette personne-là, Zayd, sort de l'islam. Mais plutôt, on va dire que cette parole est de la mécréance. Si c'est de la mécréance, du polythéisme, si c'est du polythéisme, sans pour autant le sortir de l'islam. Car lorsque tu sors cette personne de l'islam, il y a beaucoup de choses qui découlent de cela. Et le fait de sortir une personne de l'islam et dire cette personne est un kafir, et là on parle du musulman. Je tiens à préciser, ici nous parlons du musulman. Nous ne parlons pas du chrétien ou du juif. Le chrétien ou le juif, nous disons, cette personne, en mentionnant son nom, est un kafir. Car cette personne-là est mécréante. Par contre, un musulman qui viendrait à faire un annulatif de l'islam, d'accord, nous jugeons que son action est de la mécréance ou bien du polythéisme, mais nous ne sortons pas de l'islam, d'accord, car le fait de sortir une personne de l'islam est régi à certaines règles. Donc prendre la parole de l'auteur ici et dire qu'il fait partie des khawarij ou bien qu'il a rendu mécréant la communauté ou même les ignorants qui viendraient à adorer autre qu'Allah, ceci n'est pas vrai. Ceci n'est pas vrai. Et ceux qui disent ce genre de paroles, soit ils sont ignorants. Et comme les ulama, les gens de la sunna, les savants de la sunna, ils disent, l'ignorant, tu lui enseignes et tu patientes avec lui. Donc s'il est ignorant, alhamdoulilah, on va lui dire, assiste au doros des gens de la sunna, ils vont t'enseigner. Mais si par contre, dans le deuxième cas de figure, en règle générale, ce sont des gens sectaires. Ce sont des gens sectaires, ikhwani fillah, qui n'ont qu'un but, c'est de dénigrer le shirk et de dénigrer sa da'wa. Car Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab, ses livres, d'accord, ont fait mal aux sectaires et ont fait mal aussi aux gens de l'innovation. Et lorsque les gens de l'innovation n'ont pas trouvé de voie, d'accord, ils n'ont pas trouvé d'autre voie que de contrer ce prêche béni et de contrer ce shir, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont trouvé aucune voie, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont dénigré. Ils l'ont dénigré. Ils lui ont attribué des choses que l'auteur n'a pas dites. C'est pour cela qu'aujourd'hui tu trouves que certaines personnes Parmi les sectaires et parmi les gens d'innovation, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent Al-Wahhabiyya. Al-Wahhabiyya, les Wahhabites, ils suivent cher Mohammed ibn Abdel Wahhab pour faire fuir les gens de cet imam. Pour faire fuir les gens de cet imam. Et ils dénigrent cet imam. Et les salafs, comme ils l'ont mentionné dans leur écrit, ceci est la voix des gens de la bid'a. C'est pour ça que Abu Hatim al-Razi, rahimahullah, rahmatan wasi'a, il disait: Min alamati ahli al-bid'a al-waqi'atu fi ahli al-athar. Abu Hatim al-Razi disait: Min alamati ahli al-bid'a, parmi les signes des gens de l'innovation, al-waqi'atu fi ahli al-athar, leur dénigrement des gens de la sunna, des gens de la sunna. Lorsque ces gens-là ne trouvent pas de moyens de contrer Ahle Sunna wal Jama'a, qu'est-ce qu'ils font? Ils les dénigrent. Ils les dénigrent et tous les moyens sont bons. Ils vont par exemple dans certains livres de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, ou par exemple certains livres de Ibn al-Qayyim, ou certains livres même de l'auteur lui-même, Cheikh al-Islam Mohammed Ibn Abdel Wahhab. Ils prennent une parole sans voir dans quel contexte il l'a dit. Et ce qui vient avant et après, ils vont dire: regardez, Al-Wahhabiyya, ils font de l'anthropomorphisme. Alors qu'en vérité, ici, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, par exemple, dans Manhaj al-Sunna, ou dans Talbis al-Jahmiyyah, ou dans des livres comme ça, il ne faisait que répondre justement aux anthropomorphismes. D'accord? Aux anthropomorphistes. Mais ils ont pris cette parole sans regarder ce qui vient avant et où ce qui vient après. Ils ont dit: regardez, ça c'est une preuve que les Wahhabites, ils font telle ou telle chose. Ils ont pris cette parole qu'on vient de lire et qu'on vient d'expliquer. Ils vont te dire: regardez, ça c'est une preuve que les Wahhabites, ils sortent les gens de l'islam, même les ignorants qui ne connaissent rien. A'oudhou billah min ad-dalal. Donc ça, c'est l'explication qu'il faut savoir concernant cette parole. Et l'auteur aussi, il nous dit, donc dans cette même parole, est un polythéiste mécréant. Donc quiconque donc voue une de ces formes d'adoration à un autre qu'Allah est un polythéiste mécréant. Et donc ici, Ikhwani fillah, la question qu'on peut se poser est la suivante. Quelle est la différence entre un polythéiste et un mécréant? Quelle est la différence entre un polythéiste et un mécréant? Il faut savoir, Ikhwani fillah, que les savants, et lorsqu'on parle des savants, on parle des savants de la Sunna. Les savants de la Sunna ont plusieurs avis sur la question. Les savants de la Sunna, ils ont plusieurs avis sur la question. Le premier avis, Ikhwani fillah, c'est que tout polythéiste est mécréant et tout mécréant est polythéiste. Certains, parmi les savants de la Sunna, sont d'avis que tout polythéiste est mécréant et que tout mécréant est polythéiste. Et ceci est l'avis de Cheikh Al-Albani, rahimahullah, et du grand savant Cheikh Abdelaziz Ibn Baz, qu'Allah leur fasse miséricorde. Et concernant cet avis, il se base sur l'histoire qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mentionnée dans Sourate Al-Kahf, Sourate la caverne. En effet, dans cette sourate, Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'histoire d'une personne qui avait un jardin. Et lorsqu'Allah subhanahu wa ta'ala mentionne cette personne, il utilise le terme kafara, qui veut dire mécroire, et aussi ashraka. Pourtant, il parle de la même personne. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: qala lahu sahibuhu wa huwa yuhawiruh, akafarta billadhi khalaqaka min turab, thumma min nutfatin, thumma sawwaka rajula. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: Son compagnon avec qui il conversait lui dit: Mais crois-tu en celui qui t'a créé de terre? Puis une goutte de sperme, puis, non, puis en goutte de sperme, puis t'a donné forme humaine. Donc là, ici, le mot qui est utilisé, c'est le mot kafara, le concernant. Donc qui veut dire mais croire. Et dans un autre verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit: وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا. Donc dans un autre verset, il dit, si seulement je n'avais pas associé. Donc ici le verbe employé ici c'est ashraka qui veut dire associé. Et donc c'est pour cela que ces savants-là, ils ont dit que tout polythéiste est mécréant et tout mécréant est polythéiste. Car ici, on parle de la même personne. Allah, il parle de la même personne, mais les deux termes sont employés. Le terme kafara qui veut dire mécroire, et le terme ashraka qui veut dire associé. Et donc ça, c'est le premier avis. C'est l'avis, comme on l'a mentionné, de Cheikh Al-Albani, rahmahullah, rahmatan wasi'a. Et c'est aussi l'avis de Cheikh Abdelaziz ibn Baz, qu'Allah leur fasse miséricorde, ainsi que tous les savants de la sunna. Et le deuxième avis que les savants de la Sunna ont mentionné, c'est qu'il y a une différence entre le polythéiste et le mécréant. Et ces savants-là, ils disent que tout polythéiste est mécréant, mais tout mécréant n'est pas polythéiste. Ils disent que tout polythéiste est mécréant et que tout mécréant n'est pas forcément, le mécréant n'est pas forcément polythéiste. Car le polythéiste est celui qui adore autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, une personne qui adore, je ne sais pas moi, qui adore le soleil, ou qui voue, par exemple, une adoration autre qu'Allah, que ce soit une tombe, ou il adore les tombes, etc. Lui, on va dire que c'est un polythéiste, car il a voué, d'accord, une adoration pour autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le mécréant, il n'a pas forcément adoré autre qu'Allah. Le mécréant n'a pas forcément adoré autre qu'Allah. Et il donne l'exemple de celui qui insulte Allah. Celui qui insulte Allah subhanahu wa ta'ala, quiconque insulte Allah est mécréant. Mais celui qui a insulté Allah, est-ce qu'il a adoré autre qu'Allah? La réponse est non. Celui qui s'est moqué, qui se moque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou qui se moque de la religion, il sort de l'islam. Comme l'histoire des personnes qui se sont moquées du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on le verra, incha'Allah, dans les annulatifs de l'islam, ils sont sortis de l'islam, pourtant, ils n'ont pas adoré autre qu'Allah. Donc c'est pour ça que les savants, ils ont dit que tout mécréant, tout polythéiste est mécréant, mais ce n'est pas tout mécréant qui est polythéiste. Donc ça, c'est les deux avis que les gens de la Sunna ont mentionnés dans leur livre. Et ce qui est apparent, Wallahu ta'ala a'la wa a'lam, c'est que le deuxième avis est le plus juste. C'est-à-dire que tout polythéiste est mécréant, mais ce n'est pas tout mécréant qui est polythéiste. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Taïb. On va s'arrêter là pour aujourd'hui, inshallah. On continuera l'explication du premier fondement dimanche prochain, inshallah.